Radio Campus Lille. Crossroads, 3e édition, le Festival européen des découvertes musicales du 12 au 15 septembre 2018. Présenté par la Brigade d'intervention culturelle en partenariat avec la Condition publique, la Cave aux Poètes et l'association ARA. Découvrez les nouveaux talents européens de demain. Le meilleur de la scène émergente musicale sélectionné par les développeurs d'artistes français et des pays invités. Informations www.crossroadsfestival.org. Le Festival européen des découvertes musicales du 12 au 15 septembre 2018. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les 3e samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Il est midi à l'horloge de Radio Campus et vous écoutez Angle d'attaque, une émission d'Attaque Métropole. Sur 106,6 MHz. C'est possible aussi d'écouter sur campuslille.com. ATTAC, A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Christian étant en vacances, il ne sera donc pas des nôtres aujourd'hui. Nous sommes donc quatre pour animer cette émission. Louis, Ludovic, moi-même et toujours aux manettes, Florent, qui nous donnera le tempo, présentera les rendez-vous militants et nous offrira un petit intermède musical. Aujourd'hui, nous parlerons de la souffrance au travail, un sujet permanent d'actualité, bien que les médias ne l'abordent le plus souvent qu'à la suite d'un drame, et qui peut potentiellement concerner chacun d'entre nous. Et également, nous parlerons du dernier ouvrage de Thomas Coutreau d'ATTAC, « Libérer le travail, pourquoi la gauche s'en moque ?» Et pourquoi ça doit changer? Alors, nos invités pour ce thème, tout d'abord Didier Delinotte. Bonjour. Qui est président d'ATTAC Roubaix-Tourcoing et membre de Solidaire, et qui est intervenu plusieurs fois dans nos émissions. Vladimir Marcus. Oui, bonjour. Aussi membre de Solidaire, et que nous avons également invité au cours d'une émission précédente. Et Jean-Jacques Touvenot, bonjour, coprésident d'ATTAC Villeneuve-d'Ascq. Et nous commençons l'interview en vous faisant écouter un extrait audio du documentaire réalisé en 1974 par Bruno Muel aux usines Peugeot de Sochaux, avec le sang des autres. Et puis quel débouché qu'on a. Je suis rentré à 18 ans chez Peugeot en sortant de l'école. Je te dis, tellement mal aux mains, j'ai tellement des grosses mains, mes mains me dégoûtent tellement, et pourtant je les aime tellement, mes mains, je sens que je pourrais faire des trucs avec, mais j'ai du mal à appliquer les doigts. Ma peau est sans watts, je vais pas me l'arracher, c'est Peugeot qui me l'arrachera, je lutterai pour éviter que Peugeot me l'arrache, c'est pour ça que je vais pas m'arracher ma peau, je veux pas qu'on y touche mes mains, c'est tout ce qu'on a, Peugeot essaye de nous les bouffer, de nous les user. Et là, on lutte pour les avoir. C'est de la survie qu'on fait. Alors, la souffrance au travail présente des formes multiples. On peut distinguer des souffrances de type physique, dues à la pénibilité et à la dangerosité, avec pour conséquence maladies professionnelles, handicap, troubles musculo-squelettiques, vieillissement accéléré, des souffrances plutôt d'ordre psychologique dues au stress face aux exigences, au travail répétitif, à la maltraitance ou harcèlement. Et on parle maintenant beaucoup du burn-out, et on commence à parler du brown-out, qui est le sentiment de faire un travail inutile. Est-ce que cette classification vous paraît correcte ? Oui, enfin, on va pas s'empailler sur les classifications. Ce qui est important, là, ce que le témoignage de l'ouvrier de la Peuge, comme il disait, c'est la première souffrance, c'est mourir au travail, hein, et qui résonne avec le slogan de mai 68, hein, ne pas perdre sa vie à la gagner. en premier lieu, c'est la, pas la perdre totalement. En fait, c'est une formule de Marx. Oui, mais qui était le, un des slogans, mais peu, peu importe, il y a l'auteur, je sais, mais c'est le, un des slogans phares de mai 68 qui a toujours sa, sa pertinence aujourd'hui. Et c'est pas que la perte de la vie, c'est aussi la perte d'un membre quand on travaille à la chaîne. Et c'est aujourd'hui la perte de la raison, des épuisements à répétition qu'on ne connaissait pas, qui sont liés aux nouvelles formes de travail aujourd'hui, qui est un travail qu'on connaît aujourd'hui dans les services, dans le secteur tertiaire, qui est un travail immatériel où on ne produit pas avec ses mains. Donc c'est sûr, on risque pas de perdre ses mains. On risque de perdre l'ouïe, quelquefois, dans les centres d'appel. On a des problèmes physiques au niveau digestif, pas simplement les troubles musculosquelettiques, des troubles de la vision, des troubles du sommeil. Psychosomatiques. Voilà, donc voilà. Tout ça, ça, ça se cumule et arrive à des phénomènes de burn-out, brown-out, dont tu as parlé. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà, les accidents du travail qui entraînent la perte d'une vie sont quand même très importants aujourd'hui en France. On nous a beaucoup rabâché l'histoire des 80 km/h sur les routes qui allaient épargner des vies. Personne n'a parlé de diminuer le travail pour épargner des vies au travail. C'est quand même étrange. Il y a en tout 1200 morts par an en France, dont 500 accidents du travail mortels et 700 morts dues à des maladies professionnelles, essentiellement des cancers. Donc voilà déjà des faits qui sont quand même terribles. Hein. En 1946, il y avait 120 accidents par an pour 1000 salariés. En 2016, il y avait 33,8 accidents par an pour 1000 salariés. On a constaté une légère baisse. Mais par contre, on voit dans le même temps que depuis plusieurs années, le nombre de jours d'arrêt maladie explose. Hein? D'où la riposte ou ce que préconise le gouvernement aujourd'hui, évidemment, qui ne va pas traiter les causes, qui vise à culpabiliser ceux qui sont obligés de s'arrêter. Je pense que, enfin, pour répondre un petit peu à ta question sur la dissociation entre risque physique et risque psychologique, il faut avoir quand même la prudence de considérer que la plupart des événements liés à de la souffrance au travail entraîne également des risques physiques, des dommages physiques sur les individus, hein, par transmission. On peut parler, sans aller jusqu'au suicide, qui est vraiment le risque extrême, mais entre deux, toutes les souffrances articulaires, que ce soit les troubles musculosquelettiques, ne sont pas uniquement liés à la répétitivité d'un mouvement. Ils peuvent aussi être le fruit d'une souffrance au travail psychologique. Et donc les deux sont imbriqués. Les deux sont imbriqués, oui, exactement. C'est ce qu'il faut retenir. Les deux sont imbriqués. Il n'y a pas la dichotomie, justement, comme l'a dit Jean-Jacques, aux maladies physiques risque organisationnel, risque psychosocial. Je crois que ça fait partie, même si effectivement la clinique est différente, mais ça fait partie aussi de la souffrance au travail prise globalement, qui est, il y a quelqu'un qui s'appelait Robert Karasek qui a beaucoup travaillé sur les organisations du travail. Et il disait qu'il y avait trois facteurs justement qui étaient importants dans ce domaine. C'était l'exigence psychologique, l'autonomie décisionnelle et le soutien social. Donc au plus l'exigence psychologique est forte, donc, et au moins on a d'autonomie dans son travail et de soutien. Soutien, ça peut être soutien de l'équipe, soutien syndical. Au plus on est sujet évidemment à la souffrance au travail et au burn-out, épuisement professionnel, à tous des mots qui sont devenus un peu à la mode après la vague de... c'est venu assez récemment, hein, c'est quand même la fin des années 2000 avec les suicides à France Télécom qui... 2008-2009. Après, le sujet a commencé à faire les ouvertures des JT, mais maintenant c'est un peu retombé. On n'en parle plus que de façon un peu confidentielle dans les revues spécialisées. Mais il y a eu une fenêtre de tir vers 2009-2010 où le sujet était quand même à l'ordre du jour, voire les très nombreux rapports qui sont sortis sur le stress et la souffrance au travail, dont un signé par Madame Pénicaud qui est maintenant notre illustre ministre du Travail. Enfin, il y a eu des quantités de rapports qui sont à l'Assemblée nationale, du Sénat, etc. Et bon, ça n'a pas vraiment fait avancer les choses, mais ça, on reviendra pour les causes profondes, justement, de ce malaise. Et compte tenu de ce que, puisqu'on commençait à esquisser quelques statistiques, il importe de préciser que ces statistiques ne peuvent être considérées que comme indicatives, puisque encore récemment, entretiens et enregistrements révélaient comment ArcelorMittal à Dunkerque notamment, menace et harcèle ses salariés de même que ceux de ses sous-traitants, et y compris au tout premier jour d'un arrêt consécutif à un accident, pour qu'ils reprennent le travail au plus vite, d'une part pour améliorer de piètres statistiques en termes d'accidentologie, et également pour réduire ses cotisations auprès de l'URSSAF. Est-ce que vous pourriez définir ce qu'on appelle, enfin ce qu'on met derrière ce qu'on appelle les risques psychosociaux, et une définition peut-être plus particulière du harcèlement moral? Quand on parle de stress, de risques psychosociaux, souvent arrive immédiatement le terme de stress. Donc les risques psychosociaux, c'est un ensemble relatif au stress, le stress étant le déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes de son environnement. Ça, c'est la définition légale, hein, perception qu'une personne a des contraintes de son environnement de travail et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y répondre, c'est-à-dire comment elle va y faire face. Quand elle se sent en déséquilibre entre ces deux points de vue, c'est là que commence la difficulté ressentie, la souffrance ressentie. Plus concrètement, ça pourrait, par exemple, un décalage entre les exigences, ce qu'on demande aux salariés et ce qu'ils peuvent faire. Les objectifs fixés, évidemment, sont là. Enfin, la marche maintenant forcée, le management par les objectifs. Et à ceci de très toxique, c'est que souvent, les objectifs sont fixés de manière à ce qu'ils ne soient pas atteints pour stimuler la performance du salarié. Mais le salarié lui-même, ressentant que les objectifs qu'on lui fixe sont inaccessibles, c'est là que commence la souffrance pour lui, quoi. Oui. Donc, c'est un côté pervers. Didier. C'est aussi simplement je reviens sur ce que dit Jean-Jacques, mais c'est aussi la différence entre ce qu'on appelle le travail prescrit et le travail réel. C'est-à-dire que chaque salarié, pour mener à bien son travail, doit y mettre quand même, doit y mettre du sien, doit s'affronter, se confronter aux réalités, doit adopter des stratégies de contournement, des ruses, et ça c'est pour justement mener à bien son travail. Et quand la prescription est trop forte, quand il n'y a aucune justement autonomie décisionnelle, on en arrive à évidemment des facteurs de stress aggravés et tout ce qu'on a appelé la psychopathologie du travail, avec des salariés qui sont finalement obligés de se rapporter à des prescriptions à qui on exige, parce qu'il y a la pression du client, il y a la pression de la hiérarchie, on exige de plus en plus avec un minimum de moyens, et qui finissent par, comme on dit, péter les plombs, même si le terme est un peu trivial, mais bon, c'est ce qu'on appelle burn-out, ce qu'on appelle maladie professionnelle. Donc, pour compléter, en fait, donc les risques psychosociaux, en fait, correspondent, pour répondre à la question vraiment de la définition, les risques psychosociaux correspondent à des situations de travail où sont présents du stress, des violences internes et des violences externes. Alors, combinés les uns ou les autres, qui peuvent être combinés entre eux, plusieurs facteurs, mais c'est ça principalement, des situations de travail où on va rencontrer ces trois formes de violence. Oh, excusez-moi, quand vous parlez de violence interne, vous parlez d'une violence qui est inhérente à l'organisation du travail ? Oui, entre salariés. C'est à interne, c'est interne à l'organisation du travail, interne à l'entreprise, interne à la boîte, interne à l'administration, interne en tant que salarié du même employeur, sous un même employeur. Et violence externe étant plutôt liée à la clientèle, à la violence de la clientèle face à un salarié. Voilà, mais les trois cas mènent à de la souffrance, par l'intermédiaire d'un état de stress. Hein, ces trois formes de violence, que sont le stress, les violences internes et les violences externes, se combinent pour amener un état de stress chez le salarié. Quand on parle de stress, on parle des facteurs de stress, soit de l'état de stress. Et c'est l'état de stress qui engendre ensuite les conséquences du stress, que sont les conséquences délétères dont on a parlé, qui peuvent aller de la maladie cardiovasculaire jusqu'au suicide, quoi. Donc, ces trois formes de violence, combinées ou non, amènent le salarié à se retrouver dans un état dit de stress, mais un état qui va engendrer de la souffrance. Et donc des conséquences physiques et morales, et psychiques. Mais est-ce que la violence externe n'est pas liée non plus à l'environnement dans lequel se trouve l'entreprise ? En l'occurrence, un environnement qui, a priori, semble de plus en plus concurrentiel. Vous voyez, est-ce que vous prenez en compte aussi l'environnement plus large de l'entreprise, et qui, bien sûr, a une répercussion, effectivement, après, sur l'intensification du travail ? Forcément, mais bien sûr que l'environnement dans lequel l'entreprise situe son activité amène à des organisations de travail qui ont été vraiment délétères sur la santé des salariés. On pense immédiatement à la façon dont l'entreprise a généré des attitudes de client roi, amenant le client pour le bénéfice de l'entreprise uniquement, amenant le client à avoir des comportements qui sont inacceptables du point de vue du salarié ou qui sont dommageables en tout cas dans la relation avec le salarié qui reçoit ce client, quoi. Ça peut être le client ou le donneur d'ordre en cas d'une entreprise sous-traitante. Il y en a de plus en plus. Oui. Mais c'est aussi un problème plus global à travers la question. Bon, on va venir au livre de Thomas Coutreau, mais c'est aussi le travail dans la société, le travail, la problématique démocratie et travail. C'est-à-dire le travail, bon, les anthropologues le disent, hein, c'est quand même constitutif de la personnalité. Il y a très peu de gens qui, à moins dans des diètes contraints, ne font strictement rien. Je veux dire, le travail, l'activité, c'est quand même quelque chose qui nous permet de nous réaliser. Bon, il y en a qui pensent que ça nous permet de nous épanouir, c'est peut-être aller un peu loin. Mais enfin, c'est quand même indispensable à l'humain. Et ce travail est de plus en plus empêché, de plus en plus contraint. Bon, on a parlé de la pression du client, mais il y a aussi la pression de la hiérarchie, la pression de du capitalisme actionnarial, il faut bien l'appeler par son nom. Justement, à ce sujet, la financiarisation du capitalisme est quand même aussi à l'origine du durcissement des conditions de travail. Ben absolument, mais sans revenir aux organisations de travail, bon, on pourrait faire l'historique avec le taylorisme, le fordisme, les choses qui étaient prescrites par des petits chefs, des contremaîtres. Après, il y a eu des formes comme le lean management, le toyotisme, les cercles de qualité à la japonaise. En fait, c'est le travailleur qui était de plus en plus amené à intérioriser un peu la contrainte, quoi, hein, sans beaucoup de moyens, sans beaucoup de possibilités. Mais tout ça, ça fait que le salarié, qui est aussi un citoyen, trouve de moins de marge de manœuvre dans son travail, dans un travail prescrit qui doit de plus en plus être fait rapidement. En plus, avec les systèmes d'évaluation qui sont sortis il y a quand même quelques années, c'est pas quelque chose qui remonte à aux années 50, c'est de plus en plus prégnant pour, et c'est important pour la promotion, pour des tas de choses dont dépend le salarié, et tout ça, ça fait que la contrainte est renforcée, et qu'il y a, on verra sur les moyens de contrer ça, il y a quand même des stratégies syndicales, mais c'est de plus en plus pénible, donc des facteurs de pénibilité de plus en plus importants pour les salariés. Comme le contrôle permanent, par exemple. C'est notamment l'idée d'un néolibéralisme en tant que rationalité politique d'ensemble. Des mesures proprement économiques, certes, d'une part, mais aussi d'autres mesures qui, elles, vont tendre à faire de chacun un capital humain, un homme économique. Un entrepreneur de soi-même. Voilà, un entrepreneur de soi-même, rompu à la concurrence, etc. Non, mais on peut le voir aussi autrement que simplement le développement inéluctable du capitalisme, sa financiarisation. C'est aussi une organisation du travail qui est une réponse capitaliste aux luttes ouvrières des années d'après 68 qui ont mis en cause le commandement capitaliste dans l'usine. Aujourd'hui, on voit que les formes d'organisation du travail qui existaient à l'usine, taylorisme, puisqu'il est venu après à travers le toyotisme, les objectifs, on le retrouve dans tous les secteurs d'activité. C'est ça aussi qui a changé. C'est que là où c'est épargné, on disait le secteur tertiaire, les employés de bureau, ils ne connaissaient pas cette organisation tayloriste, ils ne connaissaient pas des objectifs à remplir. Ils avaient un travail à fournir, avec un contrôle ou une discipline plus ou moins importante. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a un contrôle permanent sur toutes les activités, via l'ordinateur, via le téléphone. C'est plus la pointeuse à l'entrée de l'usine, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est à chaque moment, on est... souffrez, vous êtes filmé. C'est que à tout moment, on est surveillé, épié, contrôlé sur tout ce qu'on fait dans une journée au travail et dans tous les secteurs d'activité, dans le commerce, dans l'industrie, dans les centres d'appel. Alors peut-être un paysan aujourd'hui y échappe encore. Il a d'autres contraintes, d'autres. Mais la contrainte maximum aujourd'hui, c'est plus le commandement hiérarchique avec le fouet. C'est beaucoup plus pernicieux que ça. Oui, c'est par exemple un routier, par exemple, qui, via son portable, va être surveillé parce qu'il a un GPS et on va savoir à quel moment, où exactement il fait ses pauses, etc. Effectivement, c'est... Le portable, lui, il est contraint d'avoir un portable. Et évidemment, c'est devenu son... Ce qui rend la situation souvent difficile, c'est également le fait que le salarié est tenu de participer à son propre contrôle. C'est à chacun de faire son propre compte-rendu, de rendre compte au quotidien, à une vitesse, à un rythme plus ou moins soutenu, de rendre compte de ses propres, de l'atteinte de ses propres objectifs. Et donc, systématiquement, il est mis devant le fait qu'il a à rendre compte de ses propres échecs de l'atteinte de ses objectifs. Et ça, c'est extrêmement... ça met beaucoup en souffrance. C'est une nouvelle dimension un peu du travail depuis ces dernières années. C'est quand même la dimension du contrôle qui est partout, qui est universelle. Et la dimension des évaluations qui, là aussi, prend de plus en plus de place avec... espèce d'examen qui est souvent annuel du salarié en lui fixant des objectifs qui sont souvent inatteignables et où le salarié est en position d'accuser et il doit justement justifier un peu ce qui sont perçus comme des manques et c'est extrêmement culpabilisant et c'est extrêmement là aussi ça occasionne aussi de la souffrance. Et justement, parmi tous ces différents types de souffrances, de quoi les salariés se plaignent-ils le plus ? Le manque de dialogue, la solitude, la peur, la dureté des relations, le manque de reconnaissance, la perte de sens, ou la mauvaise organisation, les erreurs de management ? Moi, de tout ce que tu cites, il y a un phénomène qui est vraiment, enfin, qui est nouveau, c'est quand même la solitude du salarié à son poste de plus en plus à son poste de travail, c'est-à-dire qu'il manque de soutien. Bon, de plus en plus, on appelait ça les pathologies de la solitude, c'est-à-dire que le salarié est amené à travailler souvent dans un contexte de concurrence avec ses propres collègues et qu'il a pas, il a peu de soutien et il est obligé justement d'intérioriser la contrainte. Et je crois que c'est un phénomène qui occasionne encore beaucoup de souffrance au travail. Et sans parler, on fait des formations sur la souffrance au travail et on essaye toujours de dire qu'il faut faire en sorte que les problèmes soient perçus de façon collective, que c'est les collectifs de travail qui doivent s'en emparer. Mais les stratégies néolibérales font que les collectifs de travail sont de plus en plus, sinon détruits, mis à mal et que le salarié se retrouve souvent dans la solitude avec des exigences de plus en plus fortes. Est-ce que ce qui n'a pas changé également, c'est le taux de chômage? Remémorons-nous Pompidou qui, il y a une cinquantaine d'années, craignait qu'éclate la révolution si on atteignait 500 000 chômeurs en France. Aujourd'hui, on a 6,6 millions de personnes, toutes catégories confondues, qui sont inscrites à Pôle emploi. Et il n'y a pas eu de révolution. Ce qui a changé, c'est simplement que la peur sociale a changé de camp. Parce qu'il n'y a pas de moyen de coercition plus violent que le chômage. On parle, et c'est très important, de la souffrance au travail, mais combien de personnes aujourd'hui accepteront un emploi, quels que soient les risques pour leur santé ou leur sécurité, ou ne prendront pas le risque de quitter leur emploi ou de se mobiliser? Oui, mais l'épisode que tu cites sur le faible nombre de chômeurs, qui est dans les années 60 en France, hein, les 30 Glorieuses, allez, pour simplifier, c'est un épisode unique dans l'histoire du capitalisme. Mmh. Depuis que le capitalisme existe, il existe toujours un chômage de masse. Marx parlait des armées industrielles de réserve. Donc c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Simplement, aujourd'hui, il y a un autre fait qui touche le salariat, c'est que le salarié est beaucoup plus éclaté. On a la perte du collectif de travail, mais aussi des entreprises beaucoup moins grandes. Aujourd'hui, la majorité des entreprises en France, c'est les petites et très petites entreprises qui emploient le plus de monde. Donc forcément, les relations de travail face au patron, face aux clients, quant aux possibilités de résidence collective, sont bien moindres qu'ils étaient. Et puis, il y a un autre phénomène qui s'est rajouté à ça, c'est que l'ouvrier qui faisait grève, là, comme on voit dans les Germinal ou dans les usines automobiles qui étaient à la pointe des luttes, l'OS, l'ouvrier spécialisé, qui avait une seule spécialité, d'en avoir aucune, quand il se battait, il savait qu'il possédait rien. C'est ce que dit l'ouvrier de Peugeot. Il possédait rien. Il avait ses mains, c'était sa force de travail. Il possédait rien à lui. S'il faisait grève, il allait faire grève un mois, il allait manger des patates et des pâtes. Aujourd'hui, le même ouvrier qui va être isolé sur sa chaîne à côté d'intérimaires, à côté d'un Turc, d'un Cambodgien, il est souvent endetté. Il vit à crédit. C'est ça qui est nouveau. C'est que la part de consommation, Pompidou expliquait, ce que les Français veulent, c'est une machine à laver, en gros, dans ses causeries au coin du feu. Ce que la ménagère française veut, c'est une machine à laver, un téléviseur. Cette industrie des biens de consommation, il faut bien accorder une part supplémentaire de la richesse produite à l'ouvrier pour qu'il puisse acheter ça. Et quand il ne peut pas l'acheter directement, il y a un crédit. Il y a quelques années, Sarkozy disait les Français ne sont pas assez endettés. Donc tout ça, ça explique aussi que les résistances sont beaucoup plus compliquées aujourd'hui. C'est pas simplement le chômage. Le chômage, il a toujours existé. Après, l'individualisation dans les relations de travail fait qu'il y a moins de solidarité aussi. Que c'est un ensemble de phénomènes qui nous conduit à des situations aujourd'hui. Quand on dit, voilà, on subit tant d'attaques de la part des politiques gouvernementales, de la part du patronat, il n'y a pas les réactions à la hauteur. Il n'y a pas. Et il faut voir pourquoi il n'y a pas. Mais c'est beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et tout à l'heure, tu parlais du harcèlement. Le harcèlement, c'est une des choses morales, une des choses les plus difficiles à définir. Puisqu'on part du constat que ce sont des faits intentionnels et répétés. Ça, c'est la base légale. Mais après, pour arriver à monter un dossier de harcèlement moral, par exemple, dans une entreprise contre un supérieur hiérarchique, c'est plus souvent le cas, il faut des témoignages écrits. Et il faut démontrer, sachant que l'employeur, lui, va contre-attaquer en dénonciation calomnieuse. Donc, aujourd'hui, les dossiers de harcèlement moral, il y en a très peu de gagnants. Il ne faut pas se leurrer. C'est extrêmement difficile. Et pour quelle raison, alors, du coup ? En quoi c'est vraiment difficile ? Qu'est-ce qui... C'est la charge de la preuve, non ? C'est ça. La charge de la preuve, aujourd'hui, c'est le harcelé qui doit la fournir. Mais est-ce qu'il n'y a pas une expertise médicale indépendante qui, du coup, peuvent éventuellement... Non. Il y a les outils qui existaient comme le CHSCT. Bon, Pénicaud, on a débarrassé les salariés. Donc ça pouvait être un outil. Bien sûr, on peut faire une enquête. Mais face à un tribunal, qu'on arrive au prud'homme ou au pénal si on veut faire condamner le harceleur, il va falloir des témoignages écrits de salariés avec leur photocopie recto-verso de leur carte d'identité sur un imprimé officiel. Il y a beaucoup de salariés qui ont peur de ça. Évidemment. Donc ils sont d'accord pour soutenir, mais ils sont plus d'accord pour témoigner. C'est très difficile à monter un dossier de harcèlement. Et pourtant, il y a beaucoup. Il y a de plus en plus de cas de harcèlement. Et le harcèlement moral, c'est le seul type de souffrance qui est passible de sanctions juridiques pour le moment. Les autres types ne sont pas encore pris en compte. Ils le sont quand même au prud'homme. Oui. Effectivement, le harcèlement va au tribunal d'instance, mais les autres types sont des délits qui sont traités au prud'homme. La question du suicide au travail, alors justement, est-ce que il y a eu des avancées à ce niveau-là? Est-ce qu'on a pu reconnaître, est-ce que la justice a reconnu sur les suicides, suicides au travail liés vraiment à la... Il y a eu à chaque suicide, il y a eu des enquêtes, il y a eu parfois des lettres, des témoignages qui ont été laissés par le suicidé. Donc il y a eu des enquêtes après suicide. Bon, il y a eu les cas ont été vus en CHSCT. Bon, il y a eu des condamnations qui sont tombées. Bon, je rappelle que les trois de France Télécom, les Lombards, Viennès et Barbero ont été quand même... Bon, maintenant, l'affaire est... Après des années d'instruction, l'affaire va être jugée en correctionnelle, donc pour mise en danger de la vie d'autrui, enfin, ce qu'avaient les chefs d'inculpation qui avaient demandé la plupart des syndicats, dont Sud PTT à l'époque. Donc, effectivement... J'espère en tout cas que ces gens-là vont quand même écoper d'une peine. Mais c'est extrêmement difficile de travailler sur la reconnaissance d'un suicide en maladie professionnelle et d'aller au pénal, parce que bon, il y a beaucoup d'employeurs qui s'arrangent pour dire que le suicide, parmi les causes du suicide, elles sont multi... Multifactorielle. Dont des raisons personnelles. Si il s'est suicidé, c'est peut-être aussi parce que ça n'allait pas avec sa femme, parce qu'il buvait, parce que je ne sais pas quoi. Et que de toute façon, il était trop fragile, il était déjà malade avant. À ce jour, d'après la CARSAT, pour ne citer que ce chiffre-là, parce qu'on peut guère aller plus loin, le nombre de suicides reconnus en accident de travail oscille annuellement entre 10 et 30, en suivant les années. Hein. Voilà. Donc, c'est quand même pas beaucoup, ou très très peu du moins, par rapport au nombre de situations qui auraient mérité une reconnaissance, bien sûr. Justement, est-ce qu'on pourrait aborder maintenant la question des solutions à cette souffrance au travail? D'abord au niveau, les dispositifs gouvernementaux, est-ce qu'ils sont vraiment efficaces? Il y a quand même eu quelques progrès ou... Je vais juste parler pour introduire, parce que c'est sûr que les solutions, c'est quand même un chapitre important. Nous, on est tous les trois dans une commission de solidaires qui s'appelle l'Observatoire de la souffrance au travail, donc l'OSAT. Ça a été créé dans le Nord après justement la création de l'Observatoire du stress et des mobilités forcées, qui était au niveau de France Télécom, créé par SUPTT et la CGC, qui faisait un peu avec des sociologues, avec des médecins du travail, avec des soutiens divers et variés, qui étaient là pour tenir d'abord la comptabilité un peu des suicides, mais aussi alerter les médias. Il y a eu tout un travail de médiatisation important qui a été fait. Et bon, le rôle de l'organisation de l'OSAT, c'est surtout de faire des formations, sur les risques organisationnels. C'est aussi de mettre en débat la souffrance au travail, c'est-à-dire de faire des débats publics avec des invités. On a eu Daniel Linhart, on a eu beaucoup de gens qui sont experts dans le travail. Et donc les formations, et ça nous paraît important de combattre, c'est une façon de combattre la souffrance au travail, mais il y a évidemment plusieurs billets pour combattre cette souffrance, dont même si les CHSCT, comme le dit Vlad, ont été mises à mal, mais il y a les instances représentatives du personnel. Il y a aussi le juridique, il y a la médiatisation, il y a tout ce qu'on appelle les expertises. Enfin, il y a tout un éventail de possibilités de combattre. Bon, on ne va pas toutes les revenir sur tout en détail, mais qui nous permettent quand même de peser face aux organisations délétères de travail. Et quels sont les différents organismes publics, privés, de prévention, en fait? Est-ce qu'on peut en parler un peu? Oui, alors, la réglementation impose que les risques psychosociaux soient pris en compte au même titre que les autres risques professionnels. Hein, ça, c'est le point de départ. Il est obligatoire de les évaluer, de planifier les mesures de prévention et de donner la priorité aux mesures collectives. Donc ça, c'est le cadre juridique. À côté de ça, un certain nombre d'institutions sont à même d'aider soit les employeurs, soit les salariés à faire aboutir et à mettre en œuvre cette législation. Donc on peut parler de l'INRS, qui est l'Institut National de la Recherche et de la Sécurité, qui lui a pour objectif l'amélioration de la santé et de la sécurité au travail. Donc, comment fonctionne-t-il ? Il fonctionne principalement par de l'expertise sur le terrain, sur le travail, sur les postes de travail, reconnaître ce que sont les différentes formes de postes de travail, et ensuite, ils transforment leur expertise en formation. Ils dispensent des formations à l'analyse des situations de travail, pour que les syndicalistes ou les gens chargés de la prévention soient à même de comprendre et d'analyser, surtout suite à accidents de travail par exemple, mais en prévention, analyser les situations de travail qui peuvent mener à de l'accidentologie, souffrance incluse, quoi. Donc INRS, il y a également l'ANACT dont on peut parler. L'ANACT, qui est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui, elle, également, a pour vocation d'améliorer les conditions de travail en agissant notamment sur l'organisation du travail. Et c'est aussi de cet organisme-là dont on se rapproche occasionnellement puisque pour nous autres, solidaires, c'est quand même l'organisation du travail qu'il faut changer avant de changer le salarié, quoi. Donc on va s'arrêter là pour l'interview, mais après on parle du livre de Thomas Coutreau. Après on abordera le livre de Thomas. Oui. Voilà, et donc une petite intermède musicale. Pousse-toi, j'ai à faire des milkshakes. Oh, attends, faut que je décongèle les steaks. Accélère, salive. Attention aux éclaboussures. Côté friture, c'est les brûlures. Hey. Et si t'as faim, tu peux manger en douce une frite pour te soulager. Fais-leur confiance, elle sera retirée. De ta paye et tu seras viré. Et le petit matin, comme univers ketchup et ketchup. Odeur de frites et le petit matin. Ça se passe comme ça chez McDonald's. Où tes études, c'est la banane. Avoir 20 ans, un vrai bonheur. Payé à 40 balles de l'heure. Tu faisais tes classes sous les drapeaux. Maintenant tu les fais chez McDo. Et entre deux tranches de Big Mac, tu cours, tu rates les cours. Le diplôme c'est pas pour cette fois. L'année prochaine tu y arriveras. Ça se passe comme ça chez McDonald's. Pour tes études, c'est la banane. McDo, McStripe. Odeur de frites et le petit matin. McDo, McStripe. Comme univers ketchup et petit pain. McDo, McStripe. Odeur de frites et le petit matin. McStripe. Ça se passe comme ça chez McDonald's. La grève, c'est impensable. Dans les bureaux comme chez McDo, pas de syndicat, c'est un gros mot. Si t'es pas sage, tu seras viré. Et y'a du monde pour te remplacer. Il faut croire que ça a changé. Que les précaires vont plus se taire. Que de McDo à Moulinex, on pourra lutter sans complexe. Ça se passe comme ça chez McDo. Comme univers, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketchup, ketch le seul à qu'on obtiendra satisfaction. Il faut lutter, s'organiser, se syndiquer. Donc McDo Max Track de la compagnie Joli Môme. Donc McDo, un des exemples où on fait un travail de merde. Donc oui. Oui, donc maintenant, nous, la deuxième partie de l'interview, nous abordons donc l'ouvrage de Thomas Coutreau, Libérer le travail, pourquoi la gauche s'en moque et pourquoi ça doit changer. Et pour rappel, nous invitons Thomas Coutreau le 16 octobre aux espaces Marx. Alors Thomas Coutreau est économiste et statisticien du travail, ancien porte-parole et membre du conseil scientifique d'Attac et cofondateur des économistes atterrés. Son ouvrage, là, donc Libérer le travail, se divise en quatre parties en gros. Tout d'abord un état des lieux de la situation du travail aujourd'hui, ce dont on a abordé précédemment. Les rapports entre la gauche et le travail-activité, le travail tel qu'il est réellement vécu et réalisé. En gros, c'est un rendez-vous manqué. Troisièmement, les apports et impasses du management dit humaniste. Bon, certains managers ont proposé des alternatives au taylorisme. Voilà. Et enfin, le travail vivant au cœur de la démocratie. Deux idées forces peut-être dans ce livre, c'est que opposer travail vivant et travail mort, plutôt travail réel, concret, contre le travail prescrit, abstrait. Alors le travail vivant, c'est l'activité réelle de la personne au travail, où elle met sa sensibilité, son intelligence, son inventivité, de l'empathie, afin de surmonter les obstacles et d'atteindre les objectifs. Par contre, le taylorisme ou néo-taylorisme est une politique du travail mort. Pourtant, le travail vivant résiste. Et aussi, par rapport travail et démocratie, la démocratie dans la société est intrinsèquement liée à la démocratisation du travail en entreprise. Pour citer Christophe Dejour, Thomas Coutreau cite aussi dans son livre, le travail ne peut pas être neutre par rapport à la démocratie, ou bien il contribue à entretenir et à développer l'exercice de la démocratie, ou bien il la détruit. Voilà, donc, je crois que quelques-uns d'entre vous ont lu le livre, si vous voulez commenter. Oui, juste, je ne reviens pas sur la distinction travail vivant, travail mort et travail prescrit, travail réel, tu en as bien parlé. Simplement, bon, l'intérêt de l'ouvrage de Coutreau, bon, d'abord, c'est un statisticien hein, qui oui. Il avance avec beaucoup de chiffres. Mais ce qui est intéressant, c'est justement le travail, la démocratie est totalement absente du travail, puisque même si elle s'exerce en dehors du bureau ou de l'usine, au travail, c'est finalement l'actionnaire qui fait la loi et les conseils d'administration et en gros le patron, donc il est très difficile, enfin quasiment impossible pour un salarié de s'exprimer démocratiquement, d'avoir même un avis sur ses propres conditions de travail, sur la façon dont, pourtant on estime quand même que le salarié est expert de ses conditions de travail et c'est lui qui sait généralement comment bien faire son travail. Mais bon, l'ouvrage de Coutreau a ceci d'important qui pose justement la question de la démocratie dans l'univers du travail. Et bon, il revient sur des modèles comme l'autogestion, enfin souvent pour en être assez critique d'ailleurs, parce que c'est pas, pour lui, c'est pas du pain béni non plus. En gros, ce qu'il dit, c'est que historiquement, le travail a toujours été aliéné. Hein. Marx parlait du travail aliéné. Et il n'y a jamais pu y avoir de prise en charge par des collectifs de travail de leur propre activité, ce qui génère évidemment la souffrance au travail. Donc, il indique des pistes, des solutions. Bon, il y a tout un chapitre sur le management humaniste qui peut être contestable, mais pour lui, il y a une façon, il y a une voie pour justement instaurer la démocratie il parle pas de l'entreprise, mais dans le lieu de travail. Et bon, évidemment, ça passe aussi par des changements de société. C'est pas quelque chose qu'on va avoir comme ça en claquant des doigts. C'est aussi du domaine de la lutte, quoi. Oui. Et d'ailleurs, oui, bon, actuellement, au niveau du management, on parle beaucoup de l'entreprise libérée, on parle de management bienveillant, de méthode agile, etc. À la SNCF, on parle des réseaux apprenants. À Airbus, c'est le management transversal. À Michelin, l'organisation responsabilisante. Alors, on voit aussi de nouveaux concepts qui apparaissent, donc la sociocratie, l'allocratie, l'entreprise de gouverner. La question sera de savoir si ce sont encore des gadgets ou du déjà vu, ou est-ce que ce sont vraiment des véritables innovations. L'ancienne patronne du MEDEF a répondu, l'entreprise n'est pas une démocratie. Donc tout ce qu'on pourra mettre comme mesurette pour faire le management participatif, les cercles de qualité, les boîtes à idées des salariés, comment ils vont faire pour travailler mieux et plus au profit de l'entreprise. Oui. Tout ça ne change pas la nature du travail, ni la contrainte maximum, qui est quand même date de la Révolution française, hein, qui est le droit sacré de la propriété privée prime sur tout. Donc un patron dans son entreprise, c'est le roi de l'entreprise. Donc on ne nous fera pas croire que parce qu'il y a un droit d'expression des salariés, les choses changent. Oui, officiellement, dans le Code du travail, il y a un droit d'expression des salariés. Ils peuvent s'exprimer sur ce qui ne va pas dans l'entreprise. La traduction de ça, c'est soit ils proposent une idée pour améliorer la productivité, la rentabilité de l'entreprise, soit ils sont critiques, et en général, derrière, c'est la porte. À moins d'avoir un mandat protecteur d'élus. Mais comme il y en a de moins en moins avec les derniers changements législatifs hein, sur la représentation du personnel, c'est pas que les CHSCT qui disparaissent, c'est que les élus de terrain, les délégués du personnel disparaissent aussi dans la nouvelle loi. C'est qu'en gros, on n'a plus qu'une seule instance, hein, le comité social et économique, qui est une assemblée de gens qui vont prendre le thé et les liqueurs avec la direction et à qui on demandera leur avis. Et une fois qu'ils l'auront donné, on dira, mesdames, messieurs, on fait ce qu'on veut, de toute façon. Oui, comme le dit d'ailleurs Thomas Coutrou, c'est toujours les méthodes tayloristes qui reviennent. Toutefois, il semble avoir confiance quand même dans une nouvelle conception qu'il appelle l'entreprise autogouvernée, qui dit d'ailleurs proche des principes des communs. En fait, c'est un commun productif. Là, l'idée est intéressante. Et il nous cite divers exemples. Aussi, le travail qui pourrait être une révolution, en fait, du travail en entreprise et de l'entreprise elle-même. Il y a le travail collaboratif, le vrai, les communs, l'éthique du quart, les classes inversées dans l'enseignement. Et au niveau des soins à domicile, la révolution Burtzog qui se déroule aux Pays-Bas. Voilà, Daniel Linhart comme Thomas Coutreau disent que effectivement le taylorisme n'est pas mort puisque il ressurgit sous des formes différentes le long de l'histoire, l'histoire du capitalisme et l'histoire des organisations de travail. Et il y a quelque chose qui est intéressant, enfin dans tout ce que tu as cité, donc c'est quand même des pistes. Bon, il parle aussi d'écoféminisme, il parle du care, il parle d'un tas de choses, voilà, des communs essentiellement. Mais ce qui est aussi important par rapport à ce que dit Coutreau, c'est justement d'abord remettre en question les modèles qui ont échoué, et partir sur des nouvelles pistes. Mais il y a aussi la pensée de Daniel Linhart par rapport au lien de subordination. Donc il y avait un article dans Le Monde diplomatique il y a quelques mois là qui disait qu'il fallait en finir avec le lien de subordination et que il y avait justement toute une campagne qui doit être faite pour remettre en question ce lien, parce que comme l'a dit Vlad, bon, c'est quand même dans l'entreprise universelle, c'est quand même le patron et le conseil d'administration et les actionnaires qui décident, quoi. Donc il y a quand même une marge de manœuvre qui est pas très élevée. Bien. On vous remercie donc pour cette interview. Maintenant, nous passons aux d'activité d'attaque ? Non, un coup de gueule. Donc le lundi 10 septembre au soir, une manifestation a de nouveau eu lieu contre le projet d'autoroute Grand Contournement Ouest, hein, près de Strasbourg. Pendant cette manifestation, les gendarmes, au nombre de 515, suréquipés contre 200 manifestants pacifiques, ont fait usage de gaz lacrymogène de manière complètement démesurée et non pour se défendre comme il se doit. Il n'y avait aucune violence de notre part, témoigne Michel Dupont, un militant présent. À ce moment, nous avions les bras levés. On apprend également que Karima Delli, députée écologiste au Parlement européen, a été gazée en pleine figure et a été sévèrement incommodée et s'est écroulée au sol en pleurs, prise de difficultés respiratoires. Une honte. Et pendant ce temps-là, à Lille, la mairie confirme l'implantation d'un tout nouveau cinéma à Lille Sud, au programme 13 salles équipées de dernières technologies comme la 4DX avec des sièges qui bougent. Il faut bien ça pour accompagner le futur centre commercial Lillenium, juste à côté, qui est actuellement en construction. Donc un petit cri pour dire arrêtons avec ces grands projets inutiles d'un autre temps qui font que bétonner la ville et créer des emplois de merde. Donc, on peut passer maintenant aux activités d'attaque. Bien. Eh bien, tout d'abord au plan national. Donc, un petit retour sur l'université d'été solidaire et rebelle des mouvements sociaux et citoyens qui s'est tenue du 22 au 26 août à Grenoble. Pendant 5 jours, plus de 2200 militantes et militantes ont participé à des dizaines d'activités, dont 64 ateliers, 33 modules et 11 forums. Pour Annick Coupé et Sébastien Bayeul, les porte-parole de l'université d'été, cet événement est une première. Il aura réussi à faire converger des dizaines de mouvements sociaux, près de 300 organisations impliquées, et aura permis de former des milliers de citoyens et citoyennes sur les enjeux fondamentaux de nos sociétés, à savoir l'écologie, l'antiracisme, le féminisme, le travail, l'information, l'émigration, le logement, la démocratie et le libre-échange. Et les questions européennes. J'y étais, mais il y avait aussi... Et les questions européennes. Il y avait aussi des sujets là-dessus. Concernant la semaine de mobilisation du 8 au 15 septembre. Oui, donc une large coalition européenne et internationale s'est constituée pour organiser une semaine de mobilisation et des centaines d'actions à travers le globe avec deux temps forts. Le samedi 8 septembre, dans nos rues pour le climat, pour mettre fin à l'ère des combustibles fossiles et défendre un futur avec 100% d'énergie renouvelable, accessible à toutes, à toutes et à tous. Et le samedi 15 septembre, c'est prenons le contrôle sur la finance et notre avenir. C'est la campagne hashtag pas avec notre argent. Cette journée d'action, prévue symboliquement 10 ans jour pour jour après la faillite de Lehman Brothers et le début de la crise financière de 2008, est organisée par la coalition européenne Change Finance, regroupant plus de 60 organisations, dont Attaque France. Sont ciblées les grandes banques privées et institutions publiques qui continuent à financer les industries toxiques et à pratiquer l'évasion fiscale. Retour sur le 8 septembre dans nos rues pour le climat. En France, plus de 150 000 personnes ont pris part à la Journée mondiale d'action pour le climat, donc dans nos rues pour le climat. Elles ont rejoint les centaines de milliers de citoyens qui, à travers le monde, se sont mobilisés pour affirmer qu'il n'est pas trop tard pour agir et exiger des comptes aux décideurs et décideuses qui nous entourent. Pour Maxime Combe, d'Attaque, ce succès montre que le sursaut citoyen est là, il ne manque que le sursaut politique. Dernière minute. Oui, une information de dernière minute. Suite à une action citoyenne dans le centre de Paris, 8 militants d'Attaque et d'Europe Écologie Les Verts ont été placés en garde à vue jeudi soir vers 23h. Un rassemblement devant le commissariat du 3e arrondissement a été organisé pour soutenir les militants retenus en garde à vue, qui aura duré plus de 18 heures. L'action se déroulait dans le cadre justement de la campagne hashtag pas avec notre argent afin de dénoncer l'implication des banques dans l'industrie de l'évasion fiscale et ses investissements dans les projets toxiques de soutien aux énergies fossiles. Au plan local, retour sur le 8 septembre dans nos rues pour le climat. Oui, donc les trois comités... Les trois comités locaux Attaque de la Métropole ont participé au rassemblement des organisations de l'AMRES sur la Grande Place de Lille et à la déambulation dans les rues de la ville. Cet événement a accueilli au bas mot plus de 5000 personnes. Le 15 septembre, campagne pas avec notre argent, donc aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui. Donc nous relayons localement cette journée d'action lancée par Change Finance et Attaque France. 4 événements sont prévus à Lille devant les agences de BNP Paribas Grand Place, de la Société Générale, du Crédit Agricole et de HSBC Rue Nationale. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, ce sera l'occasion de la promenade du samedi après-midi. Et donc le mardi 16 octobre. Voilà, donc référence au livre de Thomas Coutreau. Nous vous invitons à une conférence débat avec Thomas Coutreau et Jean Gadret à propos justement de son dernier ouvrage, Libérer le travail, pourquoi la gauche s'en moque et pourquoi ça doit changer. C'est à l'initiative des associations Espace Marx, Attaque bien sûr, les Amis du Monde Diplomatique et l'OSAT, Observatoire de la Souffrance au Travail dont nous avons parlé. Donc le 16 octobre, mardi 16 octobre, à 18h30, dans les locaux de l'espace Marx, 6B rue Roger Salingro à Lille, à deux pas du métro Marbrerie. Et donc j'enchaîne sur d'autres rendez-vous militants. Donc 8 lieux, 8 rendez-vous. Mobilisons-nous pour un accès au logement pour à tous. Donc le projet de loi Elan ne va faire qu'aggraver la situation déjà révoltante. Ce projet peut être adopté très vite si les deux majorités parlementaires s'accordent. L'heure extrêmement grave pour les logements, pour les locataires, pour les demandeurs de logement et pour les sans-abri. L'aggravation de l'accès et du maintien dans le logement pour les plus pauvres, entre autres, est absolument intolérable. Donc rendez-vous mardi 18 septembre à 18h, place de la République. Après cette mobilisation, vous pourrez vous rafraîchir au café-bar coopératif Les Sarrasins, rue des Sarrasins, pour une rencontre exceptionnelle sur les empires de la bière en Afrique, avec Olivier Van Biemen, journaliste néerlandais autour du livre Heineken en Afrique, et Olivier Blamangin, chercheur militant syndical, spécialiste des entreprises françaises en Afrique. C'est organisé par l'association Survie Nord. Autre café citoyen, autre débat, un revenu de base, oui, mais lequel ? Au Polder, 250 rue Roger Salengro à LM. Donc ce sera le vendredi 21 septembre à 19h. Le mouvement français pour un revenu de base transpartisan vous présentera la définition, les différentes versions expérimentation. Et puis le mouvement Génération partagera son projet de société autour du revenu universel d'existence. Le débat sera riche. Au café citoyen de Lille, donc au centre de Lille, 7 place du vieux marché aux chevaux, discussion sur l'écoféminisme le 28 septembre à 19h30. Né dans les années 1980 dans les pays anglo-saxons, le mouvement écoféministe a été initié par des femmes faisant le lien entre l'exploitation des ressources naturelles et l'exploitation qu'elles subissent en tant que femmes. Réclame, recueil de textes écoféministes permet de découvrir les textes des principales figures de ce mouvement. Donc rencontre découverte de ces écrits avec leur traductrice Émilie Noteris. Et dans le même cadre d'une série de rendez-vous autour des langues, mercredi 26 septembre à 19h à la librairie Meura, 26 rue Valmy à Lille, les langues folles d'Amérique. Un afro-américain qui décide de rétablir la ségrégation raciale et l'esclavage à l'échelle d'un quartier. Un gamin de 12 ans qui entreprend de raconter ses aventures hors normes dans une Angleterre post-apocalyptique et dans une langue qui n'existe pas, le parlenigme. Ce sont les thèmes de « Moi contre les États-Unis d'Amérique ». Voilà deux romans inclassables, écrits et traduits dans la démesure, qui bousculent férocement les conventions romanesques et linguistiques. Nathalie Bru et Nicolas Richard, leurs traducteurs respectifs, habilement interrogés par Charles Recourcet, nous expliqueront comment ils ont réussi à s'approprier et à réinventer en français ces langues folles qui racontent aussi la folie du monde. Et à la maison des syndicats CNT, 32 rue d'Arras à Lille, projection sur la route d'Exertia, j'ai toujours du mal, le dimanche 14 octobre à 20h. Et donc ça revient sur le 28 mars 2017, un mystérieux convoi de 26 fourgons venus de France, Belgique, Suisse et Espagne arrive au centre d'Athènes, donc dans le quartier rebelle d'Exertia. Les chaînes de télé grecques évoquent une grave menace. Le ministre de l'Intérieur annonce qu'une enquête est ouverte. La fabrique de la peur tourne à plein régime. En réalité, il s'agit d'un convoi solidaire qui vient apporter un soutien matériel, politique et financier au mouvement social grec, aux réfugiés bloqués aux frontières de l'Europe. Et pour terminer, chute, surtout ne le répétez pas, faut le dire à personne, mais il y aurait maintenant une brigade de clowns activistes sur l'île. Et il paraît qu'elle recrute. Alors on compte sur toi pour venir